الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بعد. On continue la lecture du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. عمدة الأحكام un livre de l'imam عبد الغني المقدسي et تيسير العلام l'explication de الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. Durant le dernier cours, on s'était arrêté à quel hadith? 133. Hein. Et on avait expliqué combien de hadiths? 131, 132 et 133. Qui nous récite le 131e hadith? Très bien. أحسنت بارك الله فيك. Le 132e hadith, le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui se propose pour le réciter. Fadal al-Watan. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qala, ja'a rasulun al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqulun nasa yawm al-Jum'a al-Tafad, asallayta ya fulan, qala la, qala qum farka'a rak'atayn, rawahu Bukhari wa Muslim fi riwaya, fasalli rak'atayn, rawahu Muslim. أحسنت بارك الله فيك. اسم الرجل؟ نعم سليك الغطفاني رضي الله عنه. Et le 133e hadith, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui est court également, qui, Inch'Allah, il n'y en a pas beaucoup qui veulent avoir le visage éliminé. Le professeur Sam a dit: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها ثم أداها كما سمعها. Qu'Allah illumine le visage qui, de celui qui entend ma parole, la comprend et l'apprend par cœur, puis la redit comme il l'a apprise. Personne ne veut avoir les visages illuminés. Alors, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui se propose? Amin. Ahmed. Rachid. تفضل وطن حفظته تفضل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يرسل بينهما في جلوسه. احسنت بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 34 بعد 100 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, indique le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: si tu dis à ton compagnon, écoute, le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de prêcher, en train de faire son prône, son prêche, faqad la raout, tu as alors dit une parole vaine, en disant à une personne d'écouter. Donc c'est une personne qui est distraite, qui parle ou autre, de lui demander d'écouter pendant que l'imam fait son prêche est considéré comme une parole vaine. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Gharib al-Hadith. La ra ka raza ata bi qawlin saqit. ليس فيه فائدة وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر. Les termes qui méritent explication dans le hadith, l'agha, qui est équivalent à raza dans la construction, c'est-à-dire l'agha, il a apporté une parole vaine qui n'a pas de bénéfice, il n'y a pas de bénéfice dans cette parole. Et un nadr ibn Shumayl a expliqué le terme « la raout » dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une parole qui est dénuée de toute récompense. Une parole pour laquelle tu n'as pas de récompense. « Al-ma'na l'ijmali » Le sens général du hadith. « Min a'azami shi'ari al-jumu'ati al-khutbatan » ومن آذاب المستمع الإنصات فيهما للخطيب ليتدبر المواعظ ويؤمن على الدعاء. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو بأقل شيء، فإن من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله أنصت والإمام يخطب فقد لغى، لأنه مناف لسماع الخطبة. Le sens général du hadith. Parmi les plus grands emblèmes et de ce qui caractérise la prière du vendredi, ce sont les deux discours de l'imam. Et parmi les comportements que doit avoir celui qui est présent, c'est d'écouter ce que l'imam dit, afin de raisonner et de méditer sur l'exhortation et de dire amin aux invocations qui sont dites. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre la parole, même minime soit-elle. Celui qui reprend son compagnon qu'il constate en train de parler, en lui disant « Écoute », alors que l'imam est en train de faire son prône, son discours, il a alors commis un acte d'insouciance, « faqad lagha », car il a apporté, il a fait une chose qui contredit le fait d'écouter. Lorsque tu dis à ton compagnon le jour du vendredi, pendant que l'imam fait son discours, « Écoute », si tu lui as dit ça, c'est que toi-même tu n'as pas écoutez l'imam. ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعه وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على وجوب ذلك. Premièrement, l'obligation d'écouter l'imam le jour du vendredi. Et l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala a même rapporté l'unanimité des savants dans l'obligation d'écouter le khatib, d'écouter le prêcheur, l'imam, le jour du vendredi. ثانياً تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه مناف للمقام. Deuxièmement, l'interdiction de parler pendant que l'on écoute le discours, et que le fait de parler contredit la situation dans laquelle tu es. Tu es venu pour écouter. Si tu parles, c'est que tu contredis ce pourquoi tu es venu et la situation dans laquelle tu te trouves. ثالثاً يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصلي وكما في قصة العربي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط. Troisièmement, il y a des exceptions à cela. Il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, celui qui s'adresse à l'imam, celui qui a quelque chose à dire à l'imam, il a le droit de parler. Ou bien celui à qui l'imam s'adresse, comme cela a été vu précédemment dans l'histoire de cet homme qui est venu, il est entré à la mosquée sans faire rak'atayn. Qu'est-ce que le professeur Sam lui a dit? As-sallayta ya fulan, as-tu prié ou un tel? Il a dit non, donc il a parlé. Le professeur Sallam a dit « Qum, fassalli rak'atayn wa tajawaz fihima » « Lève-toi, accomplis deux unités de prière et fais-les de façon légère et courte. » Et également, comme cela a été cité dans l'histoire où ce bédouin s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sécheresse. Donc, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi وعلى آله وسلم. رابعا استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد فإنه لا ينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر وهو وجيه. أما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة ويكون ذلك بينه وبين نفسه. Quatrièmement, certains savants ont également exclu de l'interdiction de parler celui qui n'entend pas l'imam parce qu'il est loin. Celui qui n'entend pas l'imam parce qu'il est loin. Ils disent qu'il ne lui appartient pas de se taire, mais il doit occuper son temps à la lecture du Coran ou à faire du dhikr. Et c'est un avis qui est fort, qui a sa place, comme le dit Cheikh al-Bassam, wa huwa wajih. Et cette parole des savants est à sa place. Cela prouve l'importance et l'intérêt qu'apportent les savants dans la gestion du temps. Et que le musulman doit utiliser son temps dans l'adoration d'Allah Azzawajal et profiter de chaque occasion. Il considère que celui qui est loin, qui n'entend pas l'imam, il est trop loin. Il est assis, il y a du monde autour de lui, mais il n'entend pas une seule parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tait à écouter rien, ou est-ce qu'il occupe son temps à faire du dhikr, à lire du Coran, jusqu'à ce que la prière commence. Quant à celui qui n'entend pas l'imam parce qu'il est sourd, les savants disent qu'il ne lui appartient pas de parler ou d'occuper son temps par du zikr ou par de la lecture du Coran, de sorte à déranger ceux qui sont autour de lui. Car celui qui est sourd n'entend pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il est sourd. Donc ceux qui sont autour de lui, eux, entendent l'imam. Et le fait que le sourd se mette à lire du Coran ou à faire du dhikr, cela va perturber à la fois l'imam, mais aussi ceux qui sont autour de lui. Mais les savants disent, وَيَكُنُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. Mais il fait du dhikr à l'intérieur de soi-même, dans son fort intérieur. الحديث الخامس والثلاثون بعد المئة. Le 135e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه البخاري ومسلم. Le 135e hadith. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi, puis s'en va dans la première heure, c'est comme s'il avait donné en offrande un chameau. Celui qui s'en va dans la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande une vache. Celui qui s'en va dans la troisième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande un bélier doté de cornes. Et celui qui s'en va à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande une poule. Et celui qui s'en va dans la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné un œuf. Et lorsque l'imam sort, les anges sont présents et écoutent le rappel. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. غريب الحديث. راحة تأتي بمعنى السير في آخر الليل، في آخر النهار عفوا، تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام. Premièrement, raha, celui qui s'en va. Raha a plusieurs sens. Premier sens, c'est le fait de partir, de se déplacer dans la fin de la journée. Mais raha a aussi la signification de se déplacer, quel que soit ce déplacement. Et c'est ce qui est voulu ici, dans ce hadith. Celui qui s'en va. Pour cela que ce qui est voulu dans le hadith, c'est celui qui s'en va au début de la journée pour se rendre où ? À la mosquée pour accomplir le Jumu'ah. Et ceux qui se rendent à la mosquée le vendredi pour accomplir la prière de Jumu'ah, ils y vont quand ? Au début de la journée et non pas à la fin. Saniyan dajajatan بفتح الدال وكسرها يقع على الذكر والأنثى والجمع دجاج ودجاديج دجاج ودجاديج. Deuxièmement, دجاجة une poule. بفتح الدال وكسرها on peut dire دجاجة أو دجاجة. Et lorsque l'on dit دجاجة, cela concerne le mâle comme la femelle. Et le pluriel, c'est dajaj ou dajadij ou dajadij. Thalithan, hadrat al-malaika, bifathi al-dad wa kasriha, lughatan, wa qad jazama al-maziri fi sharh muslim anna wazifata ha'ula'i kitabatu man hadara yawm al-jumu'ah. Troisièmement, hadrat al-malaika. Les anges sont présents. Lorsque l'imam sort, les anges sont présents. Ici aussi, hadarati, on peut dire hadarati ou hadirati. Et Al-Maziri, dans l'explication de Sahih Muslim, a dit que la tâche de ces anges est d'écrire, d'inscrire ceux qui assistent à la prière du vendredi. Donc, Allah Azza wa Jalla a créé des anges, et on a vu à plusieurs reprises que des anges ont, de façon générale, obéissent à Allah et ne lui désobéissent jamais, mais il y a des anges qu'Allah Azza wa Jalla a créés pour accomplir des tâches bien particulières. Est bien précise. Et la tâche de ces deux anges, c'est d'inscrire ceux qui assistent à la prière de Jumu'ah. Rabi'an al-badanatu tutlaqu 'ala an-naqati wal-jamal wal-baqarah. Walakinaha fi al-ibli aghlab wa huwa al-murad minha bi hadha al-hadith. Al-badanah, c'est un terme qui est utilisé pour vouloir dire la chamelle ou le chameau et la vache. Mais ce terme badana est le plus souvent utilisé pour vouloir dire le chameau. Et c'est ce qui est voulu dans ce hadith. Celui qui arrive dans la première heure, c'est comme s'il avait donné en aumône ou en offrande un chameau. Et dans la deuxième heure, il a donné une vache. Donc cela prouve que al-badana ici, ce n'est pas le sens de vache qui fait partie de ces sens, mais que ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le chameau. Al-ma'na al-ijmali. Bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fadl al-ightisal wa at-tabkir ila al-jumu'ah wa darajat al-fadl fi dhalik. Fa dhakara anna man yaghtasil yawm al-jumu'ah qabla al-dhahab ila al-salah thumma dhahaba ilayha fi as-sa'ati al-ula falahu ajr. فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ذا قرنين وغالبا يكون أفضل الأكباش وأحسنها ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر فمن أتى بعد انصرافهم لم يكتب من المقربين. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans ce hadith le mérite de se laver et de venir tôt le jour du vendredi. Et a montré les degrés de mérite dans cela. Il a cité que celui qui se lave le jour du vendredi, avant de partir pour la prière, puis part vers la prière pendant la première heure, il a la récompense de celui qui a donné en offrande un chameau et qui est accepté de lui, une offrande acceptée de lui. Et celui qui s'y rend après la deuxième heure, et celui qui s'y rend pendant la deuxième heure, Afwan, c'est comme s'il avait donné en offrande une vache. Celui qui s'y rend pendant la troisième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande un bélier doté de deux cornes. Et ce sont le plus souvent, c'est-à-dire les béliers dotés de cornes, les meilleurs parmi les béliers, parmi les moutons. Et celui qui s'y rend pendant la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande une poule. Et celui qui s'y rend pendant la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un œuf. Et lorsque l'imam sort pour la khutba, pour le discours et la prière, les anges s'en vont. Les anges qui ont pour tâche d'inscrire ceux qui viennent pour écouter le rappel, ceux qui viennent s'en vont pour écouter le rappel, celui qui vient après leur départ ne sera pas écrit parmi ceux qui sont rapprochés. Ma yukhadhu min al-hadith. Awwalan fihi fadlu al-ghusl yawm al-jumu'ah wa an yakuna qabla al-dhahab ila al-salah. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, le mérite de se laver le jour du vendredi. Et que ce lavage se fait avant de partir pour la prière. وَفِيهِ فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا مِنْ أَوَّلِ سَاعَاتِ النَّهَارِ. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith le mérite de se rendre tôt à la prière, et ceci dès les premières heures de la journée. Dès les premières heures de la journée. ثالثا الفضل المذكور في هذا مرتب على الاغتسال والتبكير جميعا. Troisièmement, et c'est un point important, que le mérite qui est cité, ou les mérites qui sont cités dans ce hadith, sont ou en bénéficient ceux qui ont qui se sont lavés et sont venus tôt, les deux réunis. Pour bénéficier de ces mérites cités par le professeur Asselin, il faut se laver avant de se rendre à la mosquée ou à la prière et partir tôt. Et plus tu partiras tôt, et plus ta récompense sera grande. Rabi'an, anna tartib al-thawab ala al-maji'i ilayha. Quatrièmement, que l'ordre de la récompense dépend du moment où tu te rends à la mosquée. Khamisan, أن البدن أفضل من البقر من البقرة في الهدي وكذلك البقرة أفضل من الشاة. Cinquièmement, que le chameau est meilleur dans l'offrande que la vache, et que la vache est meilleure que la brebis. أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية. Ici, le cheikh, dans le cinquième point, il parle de l'hadi, que le chameau est meilleur que la vache dans le hadi. Et le hadi, c'est la bête que sacrifie qui ? Le pèlerin. Le pèlerin. Sixièmement, que le mouton doté de cornes est meilleur que les autres ovins. Ceci à la fois dans le hadi et dans l'udhiya. À la fois dans le hadi et dans l'udhiya. Dans le hadi, c'est la bête qui est sacrifiée par le pèlerin, et l'udhiya, c'est la bête qui est sacrifiée le jour de Eid al-Adha. إن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول بالأول في المجيء إلى الصلاة الجمعة. On retient également de ce hadith, huitièmement, que les anges se postent aux portes des mosquées et écrivent ceux qui entrent, les uns après les autres. Ceux qui se rendent bien sûr à la prière de Jumu'ah. Tasi'an. Afwan, sabi'an. Sahih. Inna as-sadaqata maqboulatun wa in qallat. Lannahu ja'ala ihda' al-baydati miqyasan fi al-thawab. Naam. Septièmement, que l'aumône est acceptée même si elle est en petite quantité. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du fait de donner un œuf un degré de récompense. Un degré de récompense. Donc, lorsque tu fais une aumône, minime soit-elle, eh bien tu en seras récompensé. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné en disant alayhi salatu wasalam, ittaqullah walaw bi shiqqi tamra. Craignez Allah ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. De donner en aumône la moitié d'une date, eh bien, te permet de craindre Allah azza wa jalla et ainsi de te préserver de l'enfer. Et il faut se préserver de l'enfer par tous les moyens, minimes soient-ils. ثامنا إن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول بالأول في المجيء إلى الصلاة الجمعة. Et huitièmement, les anges sont postés aux portes des mosquées et ils inscrivent les uns après les autres ceux qui se rendent à la prière du vendredi. تاسعا وإنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير. Neuvièmement, et ensuite, ces anges s'en vont après que l'imam entre dans la mosquée pour aller faire le discours et la prière. Et les anges s'en vont pour écouter le rappel. Celui qui entre à la mosquée après leur départ, après le départ de ces anges, n'aura pas la récompense de s'être rendu tôt à la mosquée. N'aura pas la récompense de s'être rendu tôt à la mosquée le jour du vendredi. Aishiran taqsimu hadhihi as-sa'at al-khams min tulu'i ash-shamsi ila dukhul al-imam binisbatin mutasawiyah. Wa dhakara as-Sanani an as-sa'ata huna la yurad biha miqdar mu'ayyan muttafaq 'alayh. Dixièmement, le partage de ces 5 heures. se fait du lever du soleil jusqu'à ce que l'imam entre à la mosquée. Et ce sont des laps de temps, des durées qui sont égales. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala, a dit que l'heure citée dans ce hadith, il n'y a pas d'accord des savants sur la durée exacte. Tout d'abord, lorsque l'on dit la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, ce n'est pas l'heure que l'on connaît nous. Ce n'est pas une heure égale 60 minutes. Ce sont des laps de temps. Et il y a des durées. Et il y a, le jour du vendredi, 5 durées. Et cette durée commence du lever du soleil jusqu'à ce que l'imam entre dans la mosquée. Est-ce que les imams entrent tous à la mosquée à la même heure? Donc, la cinquième heure peut être plus long que d'une mosquée à une autre. Et le dispatch de 16 heures, du coup, car ici, l'imam Abdullah al-Bassam dit que ce sont 5 durées de temps qui sont égales, mais qui sont dispatchées entre le lever du soleil et l'entrée de l'imam dans la mosquée. Donc s'il y a entre le lever du soleil et l'entrée ou le moment où l'imam entre dans la mosquée 5 heures, c'est-à-dire 5 heures, 5 fois 60 minutes, alors chacune de ces heures correspondra à 60 minutes. Mais si c'est plus ou moins, eh bien, ces durées varieront en conséquence. 11 القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق أيضا فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته. نعم. Ensuite, ceux qui se rendent dans une heure parmi ces cinq heures diffèrent aussi entre eux dans le fait de venir plus tôt. On va dire dans la première heure. Dans la première heure, il peut y avoir cinq personnes qui entrent. Mais celui qui est rentré le premier aura une récompense plus grande que celui qui est rentré en deuxième, dans la même heure. D'accord ? Ithna achar, anna fadla an-nasi 'inda as-san'ani murattabun 'ala a'malihim bil-jum'ati wa ghayriha. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, fala hasaba wa la nasaba wa la nashab. Douzièmement, les meilleurs des gens, pour l'imam As-San'ani, rahimahullah ta'ala, murattabun ala a'malihim bil jumu'a wa ghayriha. Donc les meilleurs des gens, comment on connaît les meilleurs des gens concernant le jumu'a, c'est par rapport à l'acte qu'ils font. Allah Azza wa Jalla dit, inna karamakum indallahi atqakum. Celui qui a le plus de mérite auprès de votre Seigneur, c'est celui qui a le plus de piété. Ainsi, le mérite des gens n'est pas défini par la lignée, ni par la descendance, ni par la fortune. Celui qui vient le premier à la mosquée est celui qui aura le plus de mérite concernant le jour du vendredi et concernant les actes qui sont faits le jour du vendredi. ثالث عشر الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. Le hadi qui est voulu, c'est le nusuk. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, non. Donc ce qui est voulu dans le nusuk, c'est ce qui est sacrifié dans la terre sacrée de la Mecque ou en état d'ihram. Ce qui est sacrifié, autrement dit par le pèlerin, ne peut faire partie que de Bahimatul An'am. Et Bahimatul An'am, on l'a vu à plusieurs reprises, cela concerne Al-Ibil, le chameau, la vache ou les ovins, Al-Ghanam. Et les ovins, cela concerne ou englobe les brebis, les moutons, les béliers, les chèvres, etc. Quant à une poule et un œuf, cela n'est pas, bien sûr, valide pour un pèlerin. Le fait qu'il sacrifie une poule, cela n'en fait pas partie. D'accord ? لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu dire dans ce hadith la l'aumône de façon générale. والله أعلم. الحديث السادس والثلاثون بعد المئة. Le 136e hadith. عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به رواه البخاري ومسلم وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي رواه مسلم. Le 136e hadith. Selon Salama ibn al-Akwa, qui faisait partie des gens de l'arbre, Ashab al-Shajara, qui sont-ils? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah est satisfait des croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Donc, Salam ibn al-Akwa fait partie de ceux envers qui Allah Azza wa Jal est satisfait. Radiyallahu ta'ala anha. Donc, on invoque Allah pour qu'il soit satisfait de lui, tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal a attesté qu'il était satisfait de lui, non pas de façon précise, mais parce qu'il ne l'a pas cité nominément, mais il fait partie de Ashab al-Shajara. Il dit, radiyallahu anhu, nous faisions la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière de Jumu'ah. Puis, nous partions et nous ne trouvions pas d'ombre sous laquelle l'on se protégeait. Nous ne trouvions pas d'ombre, l'ombre des murs. Les murs ne donnaient pas d'ombre suffisante pour que l'on puisse s'y mettre et pouvoir se protéger du soleil. Autrement dit, il faisait la prière avec le prophète de l'Jumu'ah, il revenait de la prière et les murs ne donnait pas une ombre suffisante pour pouvoir se protéger du soleil. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et dans une autre version de l'imam Muslim, nous faisions le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil dépassait son zénith. Puis nous revenions en recherchant l'ombre. Rawahu Muslim. المعنى الإجمالي يذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أنهم كانوا يصلون مبكرين بحيث أنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة ثم ينصرفون إلى منازلهم وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به والرواية الثانية أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون. Le sens général du hadith. Salam ibn al-Akwa' radiyallahu anhu raconte qu'il avait l'habitude de prier le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'après, et qu'il priait tôt, de telle sorte qu'il terminait les deux discours et la prière, puis qu'il rentrait chez eux et qu'il ne trouvait pas d'ombre sous laquelle rester derrière les murs. D'ombre sous laquelle se protéger du soleil derrière les murs. Et dans la deuxième version, qu'il priait le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil dépassait son zénith, puis il revenait, c'est-à-dire il rentrait chez eux. اختلاف العلماء, la divergence des savants. اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر واختلفوا في ابتداء وقتها. La divergence des savants. Tout d'abord, les savants sont d'accord sur le fait que la fin de l'heure de l'Jumu'ah, c'est la fin de l'heure de Dhuhr. Ils sont d'accord sur ça. Et la fin de l'heure de Dhuhr, c'est jusqu'au début de l'heure de l'Asr. Et est-ce qu'il y a un laps entre les deux? Est-ce qu'il y a un laps de temps entre la fin de Dhuhr et le début de l'Asr? Quand j'ai eu un cours avec Abouyous, il nous a expliqué que l'ombre doit dépasser. L'heure de l'Asr commence lorsque l'ombre d'une chose est égale à la taille de cette même chose. Donc c'est à partir de là que l'heure de Dhuhr se finit. Donc il n'y a pas, les savants disent qu'il n'y a pas de laps de temps entre la fin de Dhuhr et le début de l'Asr. Ce sont des durées qui se suivent les unes après les autres instantanément. Donc l'heure de Dhuhr, c'est jusqu'au début de l'Asr. Et ils ont divergé sur le début de son heure. Quand est-ce que l'heure de Jumu'ah commence ? فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد رحمهم الله. Les trois imams, à savoir l'imam Malik, Abu Hanifa et l'imam Shafi'i رحمهم الله, sont pour avis que l'heure de Dhuhr commence après que le soleil dépasse son zénith. Comme l'heure de Dhuhr. Que l'heure de Jumu'ah commence après que le soleil dépasse son zénith, comme Dhuhr, comme la prière de Dhuhr. Et ils ont pour preuve, ils ont plusieurs preuves. Parmi ces preuves, le hadith de Anas radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari entre autres, où le prophète, où Anas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Jumu'ah lorsque le soleil déclinait. Et le soleil décline lorsqu'il dépasse son zénith. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد واستدل على ذلك بأدلة منها الرواية الأولى في حديث الباب ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس رواه مسلم وأحمد. الإمام أحمد dans la plus dans ce qui est réputé de lui. Car il y a deux versions de l'imam Ahmed. La première qui dit que l'heure de Jumu'ah commence à l'heure de Dhuhr comme les trois autres imams. Et il y a une autre version de l'imam Ahmed, et c'est la plus réputée, qui dit que l'heure, le début de l'heure de Jumu'ah est équivalent au début de l'heure de Salat al-Aïd. Et l'heure de Salat al-Aïd commence lorsque le soleil se lève et lorsqu'il s'élève. Lorsque le soleil se lève et lorsqu'il s'élève. Car vous savez que de prier au moment où le soleil se lève est interdit. Attendre que le soleil s'élève. Biqadri rumh, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les savants ont défini en termes de minutes à un quart d'heure. Et ils ont, et il a pour preuve, rahimahullah ta'ala, plusieurs preuves. Parmi ces preuves, la première version du hadith de Salama ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu. Car Salama ibn al-Aqwa' radiyallahu anhu dit qu'il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il rentrait et qu'il ne trouvait pas, et qu'il trouvait que les murs n'avaient pas d'ombre suffisante pour pouvoir se protéger. Autrement dit, que le soleil avait dépassé son zénith de peu. Soit qu'il n'y avait pas d'ombre, c'est-à-dire que le soleil était à son zénith, car il dit « Laysa lil hitani dhil », que les murs n'avaient pas d'ombre. Et les savants ont dit « Soit il n'a pas d'ombre, ou soit l'ombre était minime, qui ne permettait pas de se protéger. » Donc, autrement dit, que le soleil était soit au zénith ou l'avait dépassé de peu. Alors qu'ils avaient déjà fait la khutbah, et ils avaient déjà fait la prière, et ils étaient revenus. Donc, il y avait le trajet. Donc, c'est ça. L'imam Ahmed, rahimahullah, utilise ce hadith pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait le Jumu'ah avant le Zawal. Avant que le soleil, afwan, ne dépasse son zénith. Et ils ont pour autre preuve le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, rapporté par Muslim entre autres, et l'imam Ahmed rahimahullah dans son Musnad, où Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Jumu'ah. Quand il dit priait le Jumu'ah, il faisait les deux khutbah et la prière. Puis nous revenions à nos chameaux et nous leur donnions à boire au moment où le soleil dépassait son zénith. Au moment où le soleil dépassait son zénith. Quand est-ce qu'ils donnaient à boire? Au moment où le soleil dépassait son zénith. Ils avaient déjà prié avec le professeur Hassan et étaient déjà revenus. Donc il y a dans cela une preuve que le professeur Hassan priait ou avait prié avant que le soleil ne dépasse son zénith, autrement dit avant le début de l'heure de Dhuhr. وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. والحق ما قاله الشوكاني في نيل الأوتار. ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة. التي ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. قلت الأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء إلا أن يكون ثم حاجة من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال فلا بأس من صلاتها قبل الزوال. شيخ البسام continue en disant: et la majorité des savants ont des interprétations de ces hadiths qui prouvent que le prophète Hassan a prié avant le Zawal qui sont lointaines. Des interprétations qui sont lointaines. Et il dit, rahimahullah, wal haqqu, et la vérité, et ce qu'a dit l'imam Shawkani, rahimahullah, dans son livre Nailul Awtar, où il dit que l'on ne prête pas attention à toutes ces interprétations qu'ont donné le Jumhur, qu'ont donné la majorité des savants. Et le fait qu'ils utilisent des hadiths qui sont clairs, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié après le Zawal. C'est des hadiths qui sont clairs. La deuxième version du hadith de Salam ibn al-Aqwa, kunna najma'u ma'a an-nabi sallallahu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha zalat ash-shams. Nous faisions le Jumu'ah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil dépassait son zénith. Comment tu veux comprendre ce hadith autrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Jumu'ah après que le soleil ait dépassé son zénith? Donc le Jumhur, la majorité des savants, ont des preuves qui sont claires et authentiques. Mais comme l'a dit le même Shawkani, et leur preuve, ou leur utilisation pour preuve de hadith clair, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Jumu'ah après que le soleil ait dépassé son zénith, cela ne renie pas l'autorisation de le prier avant. Cela ne renie pas l'autorisation de prier le Jumu'ah avant. Autrement dit, l'imam Shawkani rassemble l'ensemble des hadiths. Il y a des hadiths qui prouvent que le prophète a prié avant le Zawal. D'autres hadiths qui prouvent que le prophète a prié avant le Zawal. Certains qui prouvent que le prophète a prié avant, d'autres qui prouvent après. Mais ce que faisait le plus le professeur Hassan, c'était de prier après. D'accord ? Et l'un n'empêche pas l'autre. Qultu, et Cheikh al-Bassam dit, al-awla wal-afdalu. Naam, je l'ai déjà lu ça. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, et le mieux, c'est de prier après le Zawal. Après que le soleil dépasse son zénith. Car c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent. Et parce que c'est l'heure sur laquelle il y a l'unanimité des savants. Les savants sont tous d'accord que après que le soleil dépasse son zénith, c'est une heure légiférée pour faire le Jumu'ah. Même ceux qui disent que tu peux le faire avant ne nie pas que tu peux le faire après, au contraire. Ils disent le mieux c'est de le faire après. Car c'est ce que le prophète faisait le plus souvent et parce que c'est un sujet d'accord entre les savants. Sauf s'il y a un besoin quelconque, comme une forte chaleur, et le fait que les gens ne puissent pas se profiter du nombre. Ou bien, s'ils veulent sortir pour combattre dans le sentier d'Allah avant le Zawal, avant que le soleil ne dépasse son zénith, il n'y a dans ce cas point de mal à faire cette prière avant le Zawal. Ma yu'khadhu min al-hadith. Et entre autres, il y a des fatawas de nos grands savants qui autorisent à ceux qui ont des difficultés avec leur travail de prier le Jumu'ah après le Zawal, de le prier avant. Les savants l'autorisent pour ceux qui ont des difficultés à accomplir, et ils insistent sur le fait que le mieux, ce qu'il y a de mieux à faire, et ce qui est demandé en premier, c'est que la personne fasse des efforts pour prier la prière de le Jumu'ah après le Zawal. Mais si elle a un empêchement et qu'elle n'a pas d'autre solution, alors dans ce cas, il lui est autorisé de prier avant le Zawal. Mais dans tous les cas, elle prie le Jumu'ah. Et en aucun cas, les savants n'autorisent à une personne de ne pas prier le Jumu'ah à cause d'un travail. Le travail n'est pas une excuse valable en islam pour ne pas prier le Jumu'ah. Si un travail ne te permet pas de faire la prière de Jumu'ah ni avant le Zawal, ni après le Zawal, eh bien, tu dois le délaisser et avoir la certitude qu'Allah Azzawajal te remplacera ce métier ou ce travail que tu auras délaissé par un qui sera meilleur. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan mashru'iyyatu at-tabkir fi salati al-jum'ati mutlaqa, sawa'un akanu fi ash-shita'i am as-sayf, wa yakunu hadith al-ibradi khassan bil-dhuhr. Premièrement, qu'il est légiféré de se rendre tôt à la prière de l'Jumu'ah, que ce soit en hiver ou en été, et que le hadith de l'Ibrad est propre à la prière de Dhuhr. Qu'est-ce que le hadith de l'Ibrad? Idha ishtadda al-harru fa abridu. Lorsque la chaleur est forte, attendez qu'elle baisse. Que ceci est spécifique à la prière de Dhuhr et ne concerne pas la prière de Jumu'ah, et que tu peux te rendre à la mosquée à la prière de Jumu'ah en avance même s'il fait extrêmement chaud dehors. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به وهو الصحيح كما تقدم. Deuxièmement, ce qu'on retient du hadith, c'est que ce qui apparaît du hadith est l'autorisation d'accomplir la prière de Jumu'ah avant le Zawal. Car il priait, puis revenait et ne trouvait pas d'ombre sous laquelle se protéger. Et c'est l'avis véridique, wa sahihu kama taqaddam, comme cela a été précédemment cité. الحديث السابع والثلاثون بعد المئة. ال137 حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم، وفي الثانية هل أتى على الإنسان؟ رواه البخاري ومسلم. ال137 حديث. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant la prière du Fajr le jour du vendredi Alif Lam Mim As-Sajda. Alif Lam Mim, il y a beaucoup de sourates qui commencent par Alif Lam Mim, mais celle que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Alif Lam Mim, la sourate As-Sajda, la prosternation. Ceci dans la première rak'at. وفي الثانية إذن الدوزيام ركعات هل أتى على الإنسان سورة الإنسان حديث رابورتي باغ البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للأسماع. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire pendant la prière du Fajr, le jour du vendredi, Alif Lam Mim, la première rak'at, surat al-Sajda, et Hal Ata ala al-Insan, surat al-Insan, dans la deuxième. Car ces deux sourates contiennent un rappel dans la création de Adam alayhi salam, un rappel dans le jour du jugement et la ressuscitation, c'est ça? La résurrection, afin. La résurrection des serviteurs. Et cite les étapes qu'il y aura le jour du jugement. Tout ceci qui a lieu ou qui aura lieu et qui aura lieu le jour du vendredi, afin de rappeler toutes ces choses le jour concerné. Et ainsi, il est demandé de rappeler les choses lorsque leur moment arrive, afin que cela s'imprègne plus dans les raisons, afin que les cœurs méditent encore mieux, et afin que les ouïes en profitent le plus. Car le jour du jugement arrivera, quel jour ? Un vendredi. Donc le fait d'entendre tout cela dans Sourate Al-Insan et dans Sourate Al-Sajda, en sachant qu'on est le vendredi, eh bien cela permet de mieux prendre en compte de tout ce qui nous attend et de tout ce qui s'est passé ce jour-là également. Al-Ahkam, les jugements. أولا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. Premièrement, qu'il est recommandé de lire ces deux sourates pendant la prière du Fajr le jour du vendredi. ثانيا ظاهر الحديث المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم لإتيان الراوي بصيغة كان قال ابن دقيق العيد وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة ولكن تعقبه الصنعاني فقال إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وإعلامه بالشريعة ولا تترك السنة مخافة جهله وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع قلت وكلام الصنعاني وجيه جدا. Deuxièmement, ce qui apparaît du hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, c'est l'habitude qu'avait le prophète صلى الله عليه وسلم à lire ces deux sourates pendant la prière du Fajr le jour du vendredi. Car le rapporteur du hadith a utilisé le terme « kana ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou lisait. Cela prouve qu'il le faisait tout le temps et qu'il avait l'habitude de le faire. Et l'imam ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah ta'ala, a dit « Et dans le fait de toujours le faire, de toujours lire ces deux sourates, de le faire tout le temps est un autre sujet. Car cela peut amener à ce que des ignorants pensent qu'il est obligatoire de lire ces sourates pendant cette prière. Et si le fait de le faire tout le temps amène à ce que les gens aient cette croyance, alors il est demander, il est nécessaire de délaisser la lecture de ces deux sourates, la prière pendant la prière de l'Fajr le jour du vendredi, afin de se préserver de ce mal, à savoir que les gens penseraient que c'est une obligation. Puis, Cheikh al-Bassam dit, mais l'imam al-San'ani l'a repris en disant, il est demandé de diffuser les sunan et d'enseigner à l'ignorant ce qu'il ne connaît pas, de lui apprendre la législation. Et on ne doit pas délaisser une sunna de peur, makhafata jahli, en craignant son ignorance. On ne doit pas délaisser une sunna en craignant l'ignorance qu'aurait cette sunna, que les gens auraient de cette sunna. Et les sunnen ne sont mortes, n'ont péri qu'à cause de la peur des savants envers les ignorants. Et les sunnen n'ont péri qu'à cause de la peur des savants, des ignorants. وَلَيْسَ بِعُذْرِ Et cela n'est pas une excuse. Car Allah a ordonné de transmettre sa législation. قُلْتُ Cheikh al-Bassam dit, et la parole de l'imam al-San'ani وَجِيهٌ وَكَلَامُ al-San'ani وَجِيهٌ جِدًّا Et la parole de l'imam al-San'ani est très forte. Et a là un poids grand. À coup des halles, les savants ont divergé sur ça. Et Cheikh al-Albani lui-même, rahimahullah, raconte que lui aussi, il lui est arrivé dans une de ses assises. Il dit que il était à la mosquée à l'heure de l'Fajr. L'imam n'était pas là. Il a alors présidé la prière et il a commencé la première sourate en lisant Kaf Ha Ya Ain Sad, qui est sourate Maryam. Puis il s'est prosterné, il a fait rukoua. Et c'est alors que tous ceux qui étaient derrière lui ont fait le sujout. Pourquoi? Parce que dans ce sajda il y a une sajda, donc ils avaient l'habitude le vendredi, quand l'imam dit Allahu Akbar, de se prosterner. Alors que le cheikh, lui, n'a pas appliqué cette sunna ce jour-là, et il s'avère que les gens l'ont mal pris et ont pensé que c'était une obligation de lire surat al-sajda et de lire surat al-insan le matin du vendredi. Et le cheikh, rahimahullah, avait cité cette anecdote pour montrer que de temps en temps, en délaissant une sunna, eh bien, cela permet aux gens de ne pas considérer que c'est une obligation. Donc, à tous les cas, l'avis de Cheikh al-Albani, l'avis de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, l'imam Sam'i a un autre avis, et comme vous l'avez vu, c'est l'avis qu'a opté, ou qu'a choisi, Cheikh al-Bassam, rahimahumullahu ta'ala, wa naktafi bihada al-qadr, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك وأتوب إليك